Yeah, HBZ, Headbangers, Soso, Caredas, 20 000 rimes sous mes mots. G-A-N, Antares, Score Square, Conviction Perso, yeah. Tangaï, 68 Prod. Yo, J'arrive le point serré sur le projet RGAN. Envoie le rap en GAV parce que tu sais que j'ai la haine. Ma rime reste gravée, tu reconnais que c'est la mienne. Mais pas des mots, conscient que c'est partout la même. Ma génération veut de l'argent, noyé dans le vice. L'éducation, c'est l'héritage qu'on va laisser à nos fils. Tu croyais quoi? On tire la vie sur un plateau, c'est la villa ou les barreaux. On est tous sur le même bateau. Soso laisse sa patte et son empreinte sur beat fait. Un mi-mesure dans la foulée, on va donner ça vite fait. Un tout petit discours, prends ça comme une petite brève. Pas de place pour les M6 frêles ou ceux qui frôlent la fuite, bref. On kick le fit frais, prépare le fil de civière. On est si fiers de distribuer du bon là où la rime se perd. On vide l'air par le rap, évite le cimetière, les vipères. J'ai la vie vers la scène en attendant la vie. Arrête de la vibe qui percute, hostile non. Plutôt dans la bonne face qui perdure, j'en fonds qui dans l'envergure. Faire jouir la prise fraîche, vire la crise de ma fresque free. Ambiance le tout façon fraîche prise. La fraîche fuit, même quand le style fascine. Ça veut de la star facile, connaît dans leur salle facile. C'est G-A-N-G-A-M-E-S, fait chier G-A-M-A-I-S. J'ai la même harangue signée R. J'espère, on redémarre sur un projet. Nique sa mère que la censure vienne coller un procès. Dans le CD y'a tout qui pète, j'ai une écrit sur la pochette. On est de retour, prépare-toi à la compète, à la conquête du chrome. 2009 on vise le trône, en groupe ou en solo on vient dégommer la prod. 20 000 rimes sous mes mots, c'est la méthode anonyme. Chaque MC ont leur carte libre, donc on vise le sommet. Nous blast tu connais, rendez-vous pour 2010, enfin dans les commerces, ouais. Ok, ok, RWA, pour 20 000 rimes sous mes mots, G-A-N, je représente nouvelle identité. Et ouais, c'est mon deuxième sens qui parle, ma seconde identité, qui vient de nulle part. Ok, c'est un éclatement sonore en guise d'appel. Remonte le cap par des SOS qui donnent mal à la tête. C'est la terre qui tremble, ou bien ma puissance qui gronde. Fallait pas me donner un mic, je te jure. Mais à présent, chacun de mes pas et tu te démarques. Eh, hey, ouvre grand tes oreilles, je débarque. Eh, G-A-N, pose instrumental. Yeah. Ok, ma spéciale dédicace, t'es l'anonyme. Un blaze en trois lettres, un flot de guerriers. G-A-N. Un mec hip hop car le cœur y est. Un mélange d'acier, de feu et d'explosifs. Avec une de ces émotions qui te laissent pensif. Et... mais qu'est-ce que t'en dis, frère? Dijon Mulhouse, la relève, faudra t'y faire. Casse des lits pour un album qui casse des dents. Mes rimes sous mes mots. Hey, c'est un voyage à Babylone pour 10€ dans pas longtemps. Anonyme. J'arrive comme un O-R-H-A-N. Lâche une petite bombe sur l'album A-G-A-N. H2O, L-I-G-A-N. Du son, le S-L-O. G-A-N, Donny Donzo provoque malaise vers G-A-N. Ouvrez les fans, j'ai pas de fans pour être fan au top. Tu m'arrêteras pas avec des menaces et un panneau stop. Du tard pour les vitriers, R.A.P. patriote. J'ai des figures, lance une poignée de rimes vitriotes. Partie fine sur le beat, je vais tirer hors des livres. Car tout vite, tapez douille, partez vite, j'ai carte libre. La vie est une pute, ça calcule même pas quand se passe. Trace ma route dans l'under, j'ai tapé mon camp de base. Ok, El Carillo. J'lâche ma mentalité macabre. Écoute ça. Ok, si t'as dans la tête de venir nous test, retourne dans ta cachette, t'as une mentalité de tapette. J'l'ai découpé à coups de machette. Eh, fils de pute, va faire le coulo. Tu t'es cru où? À Tokyo ou dans le ghetto? T'es beau qu'à fumer du kéro. Eh, caraï. C'est le son des racailles, des fourrailles, les attailles, des batailles pour de la maille, c'est violent. Le chant du 6-8-2 sans mon environnement vient te casser les dents. Ok, G-A-N, représente, L-O-N-V-O, l'homme, ouais. C'est face à face, cousin, face à face, cousin, Mulhouse, quartier libre, ok. Avis à tous les secteurs, j'ai un pour mes frères et sœurs, le poing serré, la plume plantée dans le cœur. J'ai pas d'harceler ni de faire propagande, mon art est scellé depuis que le rap s'est transformé en cendre. De 6 départements pour mes garnements, sur le parvis mes frôlots, le flow comme armement. L'on vit ok, le faciès d'ange, la colombe s'est pendue depuis que j'ai pris le mic comme une chance. Ok, T.I.S. au pied du mur, pour G.A.N. 20 000 rimes sous mes mots, 68.0 prod. Écoute, c'est un nouveau projet, écoute ces rappeurs expérimentés. Un quartier libre, voulait tous nous voir ivres. Sous l'état de la mélodie, rêve pas, tu crois au paradis. J'ai élevé le rythme de l'enfer. La vie d'artiste est un vrai calvaire. Donc on relève la tête et remarque une reconnaissance peut-être. Tu veux nous voir arrêter, mais moi j'arrête d'essayer d'arrêter. Prendre ma retraite, j'y penserai peut-être. G-A-N, nouveau portrait du rap français. G-A-N, on représente Mulhouse pour quartier libre. C'est la méthode anonyme FDM. On est de retour, pas Aujourd'hui dans le rap, mec, faut être incorruptible. Mais les jeunes rêvent tout de gloire et tous d'avoir un corps ultime. J'sais plus quoi faire à part du rap, tout le monde me sous-estime. J'largue en complexe, anorexique comme une pub de Contrex. J'aime pas les gens ni les gendarmes, moi j'suis légendaire. J'ai écrit mes textes pendant que les gens dorment. J'suis pas en forme, il me faut des vitamines. C'est pas les actimels qui vont faire revivre ma vie.